Mireille Kanyang. Très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs de la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Un avocat burundais du nom de Willy Rubeya a été élu ce dimanche à la présidence du barreau de la communauté est-africaine. C'est un honneur pour lui et son pays, nous dira-t-il dans ce journal. Ouverture ce lundi à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire de décembre, cérémonie également marquée par la prestation de serment des 13 commissaires de la commission Vérité et Réconciliation. Le monde célèbre ce 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Dans ce journal, une chronique est consacrée aux personnes handicapées pratiquant le sport. Dans cette édition également, vous aurez le point de vue d'un économiste sur le faible taux d'inclusion au Burundi. La mise en onde de cette édition est assurée par Albert Ndouayo. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Prestation de serment ce lundi des nouveaux commissaires de la Commission Vérité et Réconciliation devant le président de la République du Burundi et les membres du gouvernement. Les 13 commissaires, à commencer par les membres du bureau de cette commission, ont juré fidélité et impartialité dans l'accomplissement de leur mission tout en respectant l'obligation de confidentialité prescrite dans la loi régissant la Commission Vérité et Réconciliation. Avant cette activité, l'Assemblée nationale a procédé à l'ouverture de sa deuxième session ordinaire de décembre pour la période 2018-2019. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, dans son discours est revenu sur les activités réalisées au cours de la précédente session et a demandé aux partenaires du Burundi qui ont suspendu leur partenariat de revenir sur leurs décisions. Je vous prie de le suivre. Au cours de cette session de décembre 2018, l'Assemblée nationale se penchera sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour qui lui a été envoyé par le gouvernement, à savoir 1. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifiant pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la communauté européenne et ses États membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. 2. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. 3. Le projet de loi portant réglementation du médicament, de l'exercice de la pharmacie, de la profession d'opticien et l'art des tradis praticiens. 4. Le projet de loi portant création délimitation de la commune Bouhaïra et délimitation de la commune Mourgui en province de Chibitoke. 5. Le projet de loi portant disposition particulière au commerce du pétrole et des produits pétroliers au Burundi. Et 6. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord cadre pour l'adhésion de la République du Burundi à l'Alliance solaire internationale signé à Bujumbura le 26 février 2018. Comme à l'accoutumée, nous sollicitons l'habituelle collaboration des membres du gouvernement dans les échanges indispensables à l'analyse de ces projets de loi. Pascal Nyabenda, président de la Chambre basse du Parlement burundais, dont les propos ont été recueillis par Gertrude Mawenayo. Je vous l'annonçais en titre, l'avocat burundais Willy Rubeya a été élu ce dimanche président du barreau de la communauté est-africaine. Cet avocat dit que son élection est un honneur pour le pays et pour sa personne, mais prévient pourtant que le Burundi ne va pas beaucoup en bénéficier tant que cette institution est-africaine n'est pas encore assez développée. Il fait savoir que les avocats burundais ont besoin de formation car ils utilisent le français. Les textes juridiques différents de ceux des autres pays. Suivez-le, joint au téléphone par Eline Bell Nibigir. Pour moi, c'est un grand honneur, c'est une grande charge. Et je suis préparé à la porter avec l'aide et le support de tous les avocats, de tous les membres de cette organisation. Je le conçois comme une mission qui va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de savoir-faire. Donc c'est un honneur, c'est un privilège. C'est comme ça que je ressens mon élection au niveau de la présidence du barreau de l'Afrique de l'Est. Que va gagner le Burundi si c'est un Burundais qui est à la tête de cette institution régionale ? La première chose qui est importante, c'est qu'est-ce que le Burundi va gagner de par son adhésion à cette institution. Je pense que le Burundi, par rapport aux autres pays de la région, part avec quelques limites, principalement à la barrière linguistique. Nous sommes le seul pays francophone. Deuxièmement, par rapport à notre famille juridique, nous utilisons ce qu'on appelle le civil law, les autres utilisent le common law. Donc ça va demander beaucoup d'appui au niveau de notre barreau pour amener les avocats à être au même niveau que les avocats de la région pour bénéficier des retombées de l'intégration régionale. Qu'est-ce que vous allez faire pour trouver solution à ces défis que vous venez d'énumérer? Dans mon programme, il est prévu de faire beaucoup de formations au bénéfice des avocats burundais. On va mettre beaucoup d'énergie pour permettre aux avocats burundais de pouvoir accompagner dans les différentes phases le pays dans l'intégration régionale aussi. Cela demandera beaucoup plus d'expertise. C'est-à-dire, c'est de rendre l'organisation viable, c'est rendre l'organisation plus attractive par rapport aux membres, c'est aider les bénéficiaires à être prêts à récolter les retombées de l'intégration régionale, à accompagner les États respectifs dans les différentes phases d'intégration régionale et également permettre aux avocats de remplir plus professionnellement leur métier. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal par la page Société. Certains des poteaux abritant les feux tricolores percutés n'ont pas encore été réparés dans certains endroits. Ces poteaux ne restent que d'un seul côté de la route et les usagers des voies publiques demandent aux services habilités soit de réparer ou de remplacer les feux tricolores qui ne fonctionnent plus. Le constat est d'Aubin Nyonghuru. Dans certains endroits, les poteaux abritant les feux tricolores ont été percutés ou ne se retrouvent que d'un seul côté de la voie publique après avoir été déracinés. Là où ils ont été percutés, c'est par exemple aux routes qui mènent vers le port de Bujumbura, l'une passant devant l'usine de fabrication des jus Fruito, l'autre passant à côté de la brasserie du Burundi. Certains usagers des voies publiques contactés disent que cela a été causé par des accidents routiers avec souvent des excès de vitesse à l'origine. Devant l'hôpital Polycèbe, non seulement un des poteaux a été percuté, mais aussi il a été déraciné. Là où ces feux tricolores ont été réparés après un accident, c'est à la station-service communément appelée chez Katikati au centre-ville de Bujumbura. Les usagers des voies publiques demandent que soient réparés les feux qui ne fonctionnent plus. Parlons toujours société, grogne de certains des passants vis-à-vis des nids de poules qui s'observent sur la voirie urbaine, gênant ainsi la circulation dans différents coins des communes urbaines Narango et Mukaza. Les véhicules empruntent les trottoirs destinés aux piétons. Ces derniers indiquent que ces déviations sont à l'origine de la dégradation de l'état de ces infrastructures routières. Parlons économie à présent. La Banque de la République du Burundi devrait ordonner la décentralisation des institutions financières et banques commerciales jusque dans les milieux ruraux. C'est le point de vue de Prosper Niyobo, qui est professeur d'université, expert en économie, après que la Banque centrale ait annoncé en fin de la semaine dernière que le taux d'inclusion financière est faible. Cet économiste trouve que l'éducation financière au bas peuple leur permettrait d'avoir accès au crédit puis se développer. On l'écoute. La première chose que je pourrais dire, c'est d'abord savoir comment ce taux a été établi. Alors, il faudrait se poser plusieurs questions surtout par rapport à l'éducation financière. Parce que l'inclusion financière supposait l'éducation financière. Là, on est à deux pôles. D'abord, cette population du monde périphérique, donc du monde rural, qui pourrait ne pas vraiment connaître avec exactitude les services produits aussi par le secteur bancaire. Alors, généralement, je vous dirais pourquoi à des niveaux. Moi, je pense que d'abord, des gens recourent moins donc à ces services offerts par les banques, par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Alors, à mon niveau, ça veut dire que les banques devraient plutôt voir en sorte de comment faire une sensibilisation, comment faire des défenses sur le terrain, comment vraiment inquiéter, comment faire connaître à cette population ces services et produits. L'autre chose, c'est au niveau des banques en soi. La banque centrale avec les autres banques ordinaires, normalement, il devrait y avoir des politiques. Par rapport à ces populations qui sont dépourvues de systèmes classiques, on devrait faire en sorte qu'il y ait des mesures, franchement, d'accompagnement, des mesures qui inciteraient les microfinances d'être vraiment servies. Parce qu'il dit qu'on s'est rendu compte que finalement, les banques classiques sont au niveau des zones un peu d'agglomération, donc des zones urbaines, mais du coup, en milieu rural, on ne sait pas vraiment si ces banques œuvrent à ce niveau. Même les microfinances qui, normalement, avaient comme visite les performances sociales, il faudrait que dorénavant, que ce soit les banques classiques, que ce soit les banques de proximité, que ce soit les microfinances, puissent quand même penser à la digitalisation des services qu'elles offrent. Revenons sur cette information relative à la page société des grognes de certains des passants vis-à-vis des nids de poules qui s'observent sur la voirie urbaine, gênant ainsi la circulation dans différents coins des communes urbaines de Narangwa et Mukaza. Les véhicules empruntent les trottoirs destinés aux piétons et ces derniers indiquent que ces déviations sont à l'origine de la dégradation de l'état de ces infrastructures routières. Les détails avec Charles Makoto. À la jonction du boulevard du 28 novembre et la route nationale numéro 1, les véhicules en provenance de la ville s'arrêtent pour traverser les nids de poules qui mesurent plus d'un mètre de large. De l'autre côté, sur la même voirie, les véhicules en provenance de Kamenge et le palais de congrès de Kigobe se rencontrent sur des trous. Pour traverser, les véhicules s'engouffrent dans la partie restante de la route. D'autres empruntent le trottoir qu'ils partagent avec les piétons, les motocyclettes et les bicyclettes. Des passants qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur nos micros disent que différentes autorités passent par là et qu'ils ne servent plus à rien de s'exprimer. Un peu plus loin, au rond-point des Nations Unies, cette partie est complètement défectueuse. Et les véhicules et les piétons, les bicyclettes et les motocyclistes, tous disputent une petite portion de la route encore passable proche des panneaux publicitaires. Certains conducteurs préfèrent un raccourci passant devant l'ex-direction générale de la police pour regagner le boulevard du peuple Murundi via l'entrée située près de la station service Topoane. Les passants indiquent que ce genre de déviations improvisées sont à l'origine de la dégradation des bords de la route. La situation est presque la même devant l'hôtel Ex-Lodoyer dans la jonction du boulevard du 28 novembre et le boulevard du peuple Murundi. Les véhicules qui sortent de la ville dévient les trous qui ont déjà coupé la route en deux parties et montent les trottoirs réservés aux piétons. Là où ils gagnent la route à 15 mètres de là, les nids de poules commencent à apparaître. À 13h08 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par la page sécurité. Deux personnes ont été arrêtées par la police le matin de ce lundi à Mitakataka, dans la commune Provence Bubanza, c'est à l'ouest du Burundi. Il s'agit d'une fille accusée d'un avortement volontaire. Un infirmier qui l'aurait aidé à commettre ce crime. Cette fille est la deuxième arrêtée, dont trois jours après qu'une autre de l'école technique de Bubanza ait été arrêtée samedi passé. Au niveau de l'administration et de la police à Bubanza, on précise que les enquêtes sont en cours. Page sport. Ouverture ce dimanche des compétitions de la 9e édition des Jeux interparlementaires de la communauté est-africaine dans la capitale burundaise. Les parlementaires burundais ont gagné tous les matchs disputés dans les disciplines de netball et handball. Côté football, l'équipe du Parlement burundais s'est inclinée 2-0 face à la formation tanzanienne. Les détails avec Jean-Marie Vianney, Ngendakouman. Plusieurs matchs ont été livrés ce dimanche dans diverses disciplines et à divers endroits de la capitale Bujumbura. Au terrain de l'école normale supérieure située en commune Ilbene d'Onahangwa, des matchs de netball y ont eu lieu. Dans la première rencontre, les Ougandais ont dominé la Tanzanie 35-15. Dans le second match, l'équipe du Parlement Kenya a battu celle du Burundi 30-26. Au volleyball, du côté masculin, les Tanzaniens ont battu les Ougandais 3-7-1. Même score entre le Burundi et le Kenya, 3-7-1 en faveur du Burundi. Les deux matchs ont eu lieu au terrain du département de la jeunesse et des sports. Du côté féminin, deux matchs ont été joués au terrain du parquet. Les Tanzaniennes ont battu les Ougandaises 3-7-1. Dans le second match, les Burundaises ont battu les Kenyanes 3-7-2. Au football, à 14h, au stade Plessis-Louis Gwagasore, le Parlement ougandais a battu celui de la Tanzanie 1-0. À 16h, la formation du Parlement burundais s'est inclinée 2-0 en faveur de la sélection parlementaire kenyane. Ces compétitions de l'EARA, East African Legislative Assembly, vont se clôturer le 10 décembre 2018. Buracha, Bugachanayandi, Mungino. The Les personnes vivant avec handicap sont capables de pratiquer le sport et participer dans des compétitions paralympiques comme tant d'autres. Cela est dit par Nsabayezu Eugène, président de la Fédération paralympique du Burundi. Même si les personnes vivant avec handicap au Burundi sont sensibles au sport, ils se heurtent aux défis, notamment le manque criant d'infrastructures. Les détails avec Évariste Nzikobanyang. Les personnes vivant avec le handicap au Burundi pratiquent le sport de façon satisfaisante et sont réunies au sein de différents clubs. Le président de la Fédération paralympique donne de plus en plus d'explications. Les personnes handicapées elles aussi peuvent pratiquer le sport comme tant d'autres. C'est pour cela qu'il y a une naissance de ce comité paralympique du Burundi. Donc, dans ces missions, c'est pour promouvoir le handisport au Burundi. Le handisport, ce sont les activités sportives destinées à la personne handicapée. Et dans cette pratique sportive, nous pratiquons des jeux paralympiques, mais aussi des jeux qui ne sont pas paralympiques. Par exemple, nous pratiquons le sitting volleyball et nous pratiquons aussi le taekwondo et le judo. Ce sont des arts martiaux. Nous pratiquons aussi le tennis de table. Pour les non-voyants, il y a le jeu de goalball. Et très prochainement, nous allons aussi commencer le cécifoot. Le cécifoot, c'est le football pour les non-voyants. Eugène Sabayezu indique que certains athlètes burundais vivant avec le handicap vont au-delà de nos frontières. Certains ayant déjà participé dans des compétitions internationales. Au niveau du sitting volleyball, nous avons déjà représenté le Burundi dans des jeux régionaux qui sont déroulés au Kenya en 2016 et en Ouganda en 2014. Et nous avons eu aussi des médailles de bronze. Au niveau du goalball, au mois de mars, il y a une équipe des non-voyants qui ont représenté le Burundi en Ouganda. Et là aussi, ils ont été classés troisième au niveau de la sous-région. Au niveau d'athlétisme, nous avons déjà représenté le Burundi dans beaucoup de jeux, à commencer par les jeux paralympiques qui se sont déroulés à Rio de Janeiro au Brésil en 2016, où on avait envoyé notre athlète Rémi Nkobimeze. Au mois de mai, ce même athlète avait représenté le Burundi au Maroc et il a remporté la médaille d'or. Cela étant, les sportifs vivant avec le handicap se heurtent à des défis majeurs. Le manque d'infrastructures étant l'un de ces problèmes, le président de la Fédération paralympique remercie cependant ceux qui se sont déjà donné corps et âme pour promouvoir le sport chez les handicapés physiques. Si ça, je voudrais aussi remercier vivement l'ambassade de France qui nous appuie depuis le mois de juin. Nous avons organisé beaucoup de championnats au niveau des régions, au niveau des centres qui s'occupent des personnes handicapées et vraiment le résultat a été satisfaisant parce que maintenant il y a le sport qui commence à être développé au niveau même des centres parce que ce sont dans les centres là où nous essayons de faire la détection des talents des jeunes enfants handicapés pour que demain ils puissent participer dans des équipes nationales qui vont représenter le Burundi dans les années à venir. Il est vrai que nous travaillons bien avec le ministère de la Jeunesse et des Sports parce que c'est son ministère qui nous appuie. Il y a des subsides qui sont donnés au niveau du comité paralympique, même si ces subsides sont insuffisants, il y a vraiment la volonté d'aider. Et c'est pour cela qu'au niveau de la politique qui est en train d'être élaborée au niveau des sports, on aimerait que le sport pour les personnes handicapées soit pris en compte au même pied d'égalité que d'autres sports qui sont pratiqués au niveau du comité national olympique. Le président de la Fédération paralympique du Burundi lance un cri d'alarme à tout un chacun pour aider afin que le sport chez les personnes vivant avec le handicap soit effectif. Évariste Nzikobanyang a une chronique sportive dédiée aux personnes handicapées pouvant pratiquer le sport et participer dans des compétitions paralympiques. Justement, cette chronique vient dans ce sens de la célébration ce 3 décembre de la Journée internationale des personnes handicapées et dans un communiqué sorti par l'organisation Nouvelle Vision face au handicap et demande entre autres au gouvernement burundais d'équiper les établissements spécialisés avec un personnel qualifié matériel didactique adapté, de faire de l'inclusion des personnes handicapées une réalité et priorité en vue d'un développement durable. Aux parents et à l'entourage, cette organisation les appelle à comprendre que le handicap n'est pas une fatalité et qu'un enfant handicapé possède un potentiel important. Et voilà, à 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. À l'équipe de la technique de l'autre côté de la vitrine, c'est Albert Ndouaï. Je dis merci, un très bon après-midi à tous, au revoir. Mireille Kanyangi.